بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الدرس الماضي ماذا أخذنا؟ الإجماع. الإجماع. هل تذكر ما هو الإجماع؟ اتفاق هذه الأمة اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الشرعي. نعم. s'unissent les mujtahidines de cette umma après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur hukm shad'i. Et on a dit que le ijma c'était quoi? Un dalil. Aywa, c'est une hujja. Thumma dhakarna anna al-ijma yanqasim ila qismayn. Tadhkuruhuma? Qat'i wa dhanni. Naam, qat'i wa dhanni. C'est lequel des deux qui est le plus fort? Qat'i. Car le dhanni c'est l'istikra, c'est le fait de rechercher, et il se peut que dans celui-là il y a les ijma sont pas thabit. Al-an sanawasil fil qiyas. Babu al-qiyas. Le qiyas c'est une chose qui a engendré beaucoup de polémiques entre man yuthbituhu wa man ya'ni huwa muntabih lah. Ma alam man yunkil al القياس إلى الظاهرية. ceux qui rejettent le qiyas ce sont les ظاهرية comme داود وابن حزم. ce مذهب là il ne voit pas le qiyas. مثلا شيخ مقبل il fait rapporter de lui que lui il n'interdit pas au alim qui soit basir de faire un qiyas. cependant il ne doit pas en faire une législation. ce qiyas il ne doit pas imposer aux gens la vie qu'il a pris de qiyas également. lui il voit selon l'ijtihad quand même. Mais il voit qu'il n'y a pas de mayumkin al-ilzam, pas imposé aux gens. Par contre, il voit le qiyas al-jali. Comme on va le prendre, il y a le qiyas qui est khafi ou al-jali. Le jali, il le voit. Le qiyas qui est jali, qui est clair, il le voit. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Ta'rifuhu al-qiyas lughatan al-taqdir wal-musawah. C'est le fait de faire prendre des mesures. Ou un dosage. La salade, ton qiyas à toi, yuqas alayk, pour faire un vêtement sur mesure, pour ta mesure, ta taille. Wa istilahan taswiyatu far' bi aslin fi hukmin li 'illatin jami'atin baynahuma. C'est le fait d'égaliser entre une chose extérieure, un far', une branche, et une chose asl, une chose connue qui est un dalil, pour une cause commune. Pour une cause commune. Ça va apparaître, Inch'Allah, avec les exemples. Al-Far', مثلا, c'est quoi le Far' dans le Ta'lif? C'est le Maqis. C'est la chose sur laquelle on n'a pas de dalil qui est à côté. Et le Asl, huwa al-Maqis alayhi. C'est la chose sur laquelle on a un dalil. La chose sur laquelle on a un dalil. Donc ça veut dire que tu prends une chose qui n'a pas de dalil, qui a une illah, une cause qui ressemble à celle qui a un dalil. Et tu fais un rapprochement entre les deux pour leur donner un jugement similaire. C'est-à-dire tu prends le jugement de ce qui est du asl pour l'appliquer sur le fara. Ou le hukm, c'est quoi le hukm? Maqtadahu al-dalil al-shar'i min wujub ou tahrim ou siha ou fasad ou ghayriha. Donc le hukm, c'est quoi? C'est ce qui va en suivre comme, مثلاً, jugement légiféré, comme si c'est une obligation ou si c'est interdit ou si c'est valide ou si c'est invalide غير ذلك. وما هي العلة؟ العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. العلة c'est la cause pour laquelle le حكم du أصل a été établi. La cause. طيب, c'est l'élément dont la présence cause l'application du jugement. Un exemple, العلة في تحليم الخمر ما هي؟ l'iskar. La cause qui fasse que le khamr soit interdit, c'est quoi le illa? C'est qu'il enivre. Donc toute chose qui aura cette illa présente prendra le jugement, mathalen, du khamr, même si c'est pas du khamr. Toute forme de drogue qu'on a actuellement, qu'il se boit pas ou quoi, comme la illa. Par exemple, demain quelqu'un va dire, c'est quoi la preuve que je sais pas moi, ce qu'ils appellent les extasies, c'est haram. On dit, dedans il y a la illa du diskar qui enivre. Qui fait pas de la raison. Et les hadiths sont venus que cela était interdit, comme dans le khamr. Donc on compare avec les deux, on dit que cela également est interdit. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Kullu muskir haram. Tout ce qui est enivre est haram. Donc la illa, elle est prouvée. S'il a trouvé la illa, le jugement s'applique. Donc ça, ce sont les quatre arcanes du qiyas. C'est quoi les arcanes? On les répète. Awalen, el fora. C'est-à-dire la chose externe. Le maqis, la chose sur laquelle on va appliquer un jugement qu'on n'en a pas pour l'instant. Deuxième, el asl. C'est le maqis alayhi, la chose sur laquelle on a un jugement à la base, avec un dalil. Troisième chose, troisième rukn, le hukm. Et quatrième rukn, la illa, la cause de ce hukm. Et de ce hukm, on l'a pris d'où? Du asl, la chose sur laquelle on a un dalil. Et ce hukm, après, on l'applique sur quoi? Sur le farah. Car il a, la illa, a été trouvée dans ce farah. Fahimta hada? Tayyib. Ils appellent ça analogie, comparaison, il y a des déductions, par analogie, al-zalika. والقياس احد الادله التي تثبت بها الاحكام الشرعيه وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنه واقوال الصحابه. Donc ce qiyas est parmi les choses par lesquelles on donne un hujja. La hujja à la sahih en 14, on a expliqué le kitab, ce qu'on prend en dalil du kitab, de la sunna, de l'ijma' et du qiyas. Et t'en as, ils ont mis quoi également? Ils ont mis l'aql. Dans d'autres coutumes, tu auras l'aql. Et t'en as, ils ont mis même l'ijmar, ils l'ont qadam sur Kitab wa Sunnah. Car ils disent Kitab wa Sunnah, il faut qu'il y ait un khilaf. T'as un verset, c'est un dalil, mais tout le monde n'est pas d'accord. La Sunnah, t'as un hadith, sarih, mais tout le monde ne comprend pas pareil. Alors que l'ijmar, il n'y a pas de khilaf dedans, on n'a pas discuté. Donc là, ils ont qadam l'ijmar sur le Kitab wa Sunnah. Mais à la base, l'ijmar, forcément, vient de quoi? Du Kitab ou de la Sunnah. Ça, c'est un khilaf istilah, il faut qu'il. Le résultat final est le même. On a un argument. Donc lui voit que le qiyas se base, cette analogie se base sur des adillas qu'on a pris du kitab de la sunnah et des accords des sahaba qui prouvent qu'on peut faire un qiyas dans des umours. Et ces adillas sont discutables par beaucoup de ulama. Quand je dis le qiyas, c'est un bab dans lequel il y a eu beaucoup de nizar. T'en as, ils ont exagéré, ils ont vu trop de qiyas comme les Hanafiya, Masalan, Asad Abu Hanifa, et t'en as, ils ont tout rejeté comme les Zahiriya. Et t'as celui juste milieu. Ainsi de suite. Parmi les adillas du kitab, sur lesquels les gens se sont basés pour dire que le qiyas était une chose qui était mashrou'a, qu'on l'a ou ta'ala, Allah ulazi anzala kitab bil haq wal mizan. Que Allah est celui qui a fait descendre le kitab et la balance. Wal mizan ma tuzanu bihi el umur wa yuqasu bihi beynaha. Donc le mizan, c'est quoi? C'est les choses par lesquelles on pèse les choses et par lesquelles on les compare. Donc ils ont dit quoi? Le mizan là, c'est un dalil de qiyas. Et il y en a, ils ont dit non, ce dalil il n'est pas mayasla les alika. Et pour eux, le mizan, c'est les choses par lesquelles on gère les arkem shari'a sahiha bin nusus. Et non pas le qiyas. Wa qala ta'ala kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Comme nous avons commencé la première création, nous la recommençons. Wa qala wallahu alladhi arsala ar-riyah فَتُثِيرُوا صَحَابًا فَسُكُنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورِ. Que Allah est celui qui a envoyé les vents par lesquels on fait venir des nuages vers lesquels on les envoie vers un pays mort à qui on donne la vie, c'est-à-dire à la terre, après sa mort. Et c'est comme cela qu'est la résurrection. C'est-à-dire qu'Allah a comparé comment il redonne la vie à la terre morte de la façon dont il va redonner la vie aux êtres humains. Donc il a dit ça c'est un qiyas que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Et t'en as dit non, ça c'est pas un qiyas que zalik. Hadha faqat min bab taqrib al-afham, un rapprochement de compréhension pour que tu comprennes la chose. C'est un exemple, mais c'est pas un qiyas pour eux. Donc c'est tout ça dit là maintenant qu'on a cité, il y en a plein, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit c'est pas des adilas du qiyas. Même s'il y en a, ils acceptent le qiyas, ils ne prennent pas ces adilas là comme étant des hujjaj dans ce bab là. ثم قال ومن أدلة السنة ضل حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقديته وفقديته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك. هذا parmi l'adila le plus fort. Selon Ibn Abbas, qu'une femme a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos du Siyem de sa mère qui était morte. Alors, il lui a dit, vois-tu si ta mère avait une dette et que tu l'aurais remboursée, est-ce que cela aurait été, l'aurait acquitté de sa dette? Elle a dit, naam. Elle a dit, ben, le jeûne c'est pareil. Jeûne pour ta mère. Et c'est venu également dans un autre hadith, فَعَدَ حَقُّ اللَّهُ وَحَقُّ اللَّهُ أَوْلَى أَنْ يُكُدَى. C'est le droit d'Allah, il est encore plus en droit d'être rendu. Donc là-dessus, هَذَا أَقْوَى دَلِيل. C'est le délit le plus fort dans la sunna. Également, c'était le hadith de cet homme qui avait un enfant, qu'il dit au Nabi sallam, وُلِدَ لِي غُلَمْ أَسْوَد. J'ai eu un enfant qui est noir, alors que lui n'était pas noir. Donc cela, ça l'a surpris. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que tu as des ébiles, des chameaux? Il a dit, naam. Il a dit, c'est quoi leur couleur? Il a dit, rouge. Il a dit, est-ce qu'ils ont des traits argentés? Il a dit, naam. Il a dit, comment cela? Il a dit, cela peut venir provenir de rorq, c'est une veine ou une chose dans le sens. Il dit, bah ton fils également, cela peut être venu de là, faut qu'il soit noir. Il n'y a pas qu'il se mette à suspecter sa femme, qu'elle ait eu, mais ça l'aide, des rapports avec un autre homme. Il dit, cet enfant-là, il est noir, moi je suis blanc. Comment cela se fait? Ça a déjà été vu. Des gens, bah, ça l'aide des couples blancs qui ont un enfant noir, et cela, ça vient de la descendance d'avant. Ou le contraire, des gens noirs qui ont un enfant blanc. Ça a déjà été vu. Donc cela se base sur cette adillah-là pour dire que le qiyas, mashrou'. Et parmi les aqwal des sahaba sur le qiyas, ce qui fait rapporter de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a écrit. Il a envoyé un courrier à Abu Musa al-Ash'ari dans le Qadha, dans le jugement. Il lui a dit « Thumma al-fahm, al-fahm, fima adla alayk, mima warida alayk, mima laysa fil Qur'ani wa la sunnatin. Thumma qayis al-umur indak, wa'arif al-amthal, thumma amid fima tara, ila ahabbiha ila Allah, wa ashbahiha bil-haq. » Donc il lui a dit quoi, Omar, Abu Musa? Il lui a dit, d'abord, la compréhension. C'est une des choses, lorsqu'il t'est exposé, dans toutes les choses qui n'ont pas de dalil, du kitab, de la sunna. Ensuite, fais des comparaisons avec les choses entre elles. Et essaie de reconnaître des choses similaires. Et ensuite, base là-dessus, pour mettre un jugement parmi les choses qui sont les plus aimées auprès d'Allah, et les plus proches de ces jugements. Donc ça amène à quoi ça? Un qiyas. Quand tu n'as pas une preuve sur une chose, fais une comparaison. Est-ce que c'est le plus proche de cette chose-là? Ibn al-Qayyim, il a dit, « Hatha kitabun jalilun talakkahu l'ulama'u bil-qaboul. » Que ce courrier de Omar a été accepté par les ulama, qui voient que les sahaba, le qiyas, ils l'ont fait. Et également, il faut rappeler que les fuqaha, « Min asr al-sahaba ila yomihi, ajba'u ala an nazir al-haq haqqun, wa nazir al-batili batilun. » واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام. Que parmi les sahaba et autres, qu'ils étaient unis sur le fait que l'équivalent de la vérité, c'est la vérité. Et l'équivalent du faux, c'est le faux. Et qu'ils ont utilisé justement le qiyas dans les choses du fiqh et dans toutes les ahkam. في جميع الاحكام. إلا في باب. Mahou, dans la aqida, il n'y a pas de qiyas. Comme Zakar Ibn Abdelbar, Ijma'an ala zalika. Il dit, dans la aqida, il n'y a pas de qiyas. La aqida, c'est le nos, fakat. Le texte. Il n'y a pas de qiyas dans la aqida. Après, le qiyas, il a des shurouts. Minha, awalen, ala yusadim dalilan akwa minhu, fala ikhtibar bi qiyasin yusadim al nos, ou al ijma'a. أو أقوال الصحابة إذا كنا كل الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. Donc parmi les choses, que ce qiyas ne s'oppose pas à un texte clair ou à un ijma ou à la parole d'un sahabi en disant que si on voit que le col du sahabi c'est une hujja. Et ce qiyas, comme on l'appelle, فاسد الاعتبار, c'est-à-dire il n'est pas considéré. Donc le qiyas ne doit pas s'opposer à un texte. L'exemple qu'il donne, que la femme mathalène Rachida, comme l'ont fait les Hanafiyah, Ashab d'Abu Hanifa, qu'elle puisse se marier toute seule. La femme Rachida se marie sans wali. Pourquoi ? Quand ils ont dit, si jamais cette femme-là est en mesure d'acheter et de vendre elle-même, alors elle est en mesure de se marier toute seule. Ils ont fait un qiyas avec le bay et le shira. D'accord ? Et cela est facile de l'irtibar. Pourquoi ? Ça s'oppose au texte. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nikah illa bi wali. Donc la femme, dans le hadith, il est clair qu'il n'y a pas de nikah sans wali. Le wali et le mahr sont les deux rukn du aqd. Sahih. Il y en a, ils ont ajouté également les shuhud de témoins. Et ça, c'est une chose. En réalité, il y a pas de, c'est pas un rukn, c'est pas lazim, c'est pas wajib. Donc, parmi les choses lazim du nikah, le wali et le mahar. Donc, une femme ne peut se marier sans wali. Qala, deuxième short, an yakuna hukm al-asl thabitan bin nassin aw ijma'in. Fain kana thabitan bin qiyasin, lam yasa' al-qiyas alayhi. Et également, il a dit que le hukm, c'est-à-dire le os sur lequel on fait un qiyas, c'est une chose qui est bâtie sur un dalil. D'un os, d'un texte ou d'un ijma. Ça veut dire, on ne fait pas un qiyas sur notre qiyas. Tu as déduit un hukm shari à partir d'un qiyas. Après, tu viens, une autre mas'ala, tu prends ce qiyas-là pour bâtir dessus notre qiyas. Tu t'en fais un os, là, en fait. Non, ça, tu n'as pas le droit. Comme par exemple ceux qui ont rendu certaines choses, comme il le cite le Shir, qu'il y a du riba dans le maïs. En faisant quoi? Qiyas avec le ruz. Parce que le ruz, ils ont mis du riba dedans, en faisant le qiyas, c'est quoi? Avec le bourre. Dans le bourre, le blé, il y a du riba. D'accord? Il peut y avoir du riba. Déjà, ils ont fait quoi? Ils ont pris le riz, le ruz, en qiyasen ma'al bourre, ils ont dit bah, le riz kazalik. Le riz, kazalik, il y a du riba. Et là, ils ont pris, bah, avec le riz, bah, on va prendre le maïs. Ils ont fait un qiyas sur le riz pour faire le maïs, quasiment. On dit non, on a fait un qiyas du riz sur le bourre pour ceux qui le voient. C'est pas tout le monde qui le voit. Maintenant, c'est pas tu prends le ruz, le riz, pour faire un autre qiyas dessus pour autre chose derrière. Après, tu vas pas t'arrêter. Après, tu vas prendre le maïs, tu vas faire un qiyas pour autre chose. Après, cette autre chose, tu vas faire un qiyas pour autre chose, tu vas pas t'arrêter. Donc là, le qiyas se fait sur un osl mabni à la dalil. Un nos ou un ijma, pas sur notre qiyas. Un short, un thalith, an yakuna li hukm al-asli illah ma'louma. Li yumakkin al-jam bayna al-asl wal-far' fiha. Fa inna kana hukm al-asl ta'abbudiyan mahdha lam yasah al-qiyas alayhi. C'est-à-dire que maintenant, autre chouroute, il faut que la illa, cette cause pour laquelle ce jument a été établi sur cette chose-là, soit connue. Il ne faut pas que ce soit une chose qui soit tirée d'un homme ta'abboudi, c'est-à-dire une chose basée sur l'adoration purement, on ne connaît pas la cause. On ne connaît pas la cause. Il y a des choses, des actes qu'on fait, on ne connaît pas la illa. Pourquoi on doit faire cette chose-là? Ou pourquoi on ne doit pas la faire? Donc il faut que tu connaisses la illa ou faire un qiyas. Si tu ne connais pas la illa, il n'y a pas de qiyas dessus. Mais il y en a, ils ont fait on ne peut pas faire un qiyas. Il dit quoi? L'ahm en na'ama. C'est l'autruche. En disant que celle-là annule l'odo. Qiyasan al-amaza al-ba'ir, le chameau. Car ils vont se ressembler. Sûrement par quoi? Par la longueur du cou. On dit la viande de chameau, elle annule l'odo. C'est quoi la ila? On ne la connaît pas. Donc, on ne peut pas faire un qiyas dessus. Malastatia. Après, tu as des choses sur lesquelles il y a un khilaf. Ils ont dit que c'était aboudiyen. Tu dis non, il y a une illa, on la connaît, c'est kaza et kaza et kaza. Ça, c'est encore un autre bête. Il y a des choses sur lesquelles on ne connaît pas la illa. Pourquoi tel jument sur telle chose? Allah alam. Nous, on agit. Si la illa, on la connaît. Alhamdulillah, si on ne la connaît pas. Samiana ou Atoana. Thumma qal, rabi'an, an yakuna al-illatu mujtamilatan ala ma'na munasibin li hukmin yu'lamu min kawa'id al-shar' i'tibaruhu. Ka'al-iskari fi khamr. Donc maintenant, il faut que cette illa soit basée sur une chose qui convient pour le hukm. Et ce hukm soit connu par les kawa'id, les règles du shara. Comme par exemple, l'enivrance pour le khamr. C'est une illa qui est connue. C'est quoi qui veut dire par là? Si c'est ce qu'on appelle un wasf tordi, c'est-à-dire c'est une description qui n'a pas de lien avec une illa, on ne fait pas là dessus. L'exemple qu'il donne, comme la couleur, une chose est de telle couleur, cette couleur-là n'est pas une illa pour faire un qiyas dessus. L'exemple c'est quoi? Dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Anna Bureira, khuyirat ala zawjiha. Bureira, c'était une femme qui était esclave, elle s'est rachetée à Aïcha, radiallahu anha. Elle était mariée. Ensuite, elle était libérée. Et il lui était proposé de rester avec son mari. Elle a le choix. Est-ce que tu restes avec lui? Comme maintenant, comme tu es libre, tu peux ne plus être avec lui. Tamam? Et on a dit que son mari, c'est un esclave noir. Un esclave noir. La illa, c'est quoi? C'est al-ubudiyya. C'est pas parce qu'il est noir. Ça, justement, le fait qu'on dise qu'il soit noir s'appelle un wasf tardi. C'est-à-dire, c'est une description, mais qui n'a pas de lien avec le jugement. C'est comme je te dis, Messalène, fais l'eau, tiens, cette eau-là, elle est claire, elle est pure. Tahour. Fahimt? Azalma, elle est claire, elle est tahour. Fais l'eau avec. L'ailel est dans quoi? Tahour. Pas que l'eau soit claire. Le fait que l'eau soit claire s'appelle un wastardi. Ça n'a rien à voir avec le jugement. Parce que des fois, une eau, elle peut venir ne pas être claire. Messalène, une chose est rentrée dedans, ce n'est pas une najasa, elle est toujours tahour. Je ne sais pas si c'est mélangé de la terre, Mathalan. L'eau devient un peu marron. La terre, c'est tahour, kazalik. Tu peux faire l'eau avec. Quand je dis l'eau, elle est claire, c'était un wasf tardi. Ça n'a pas de lien avec la illa. Donc là, c'est pareil. La illa, ce n'est pas le fait qu'il était noir, sûrement pas. C'est le fait que c'est un esclave. Même l'eau était blanc, l'eau était rouge, une autre couleur, ça aurait été pareil. Le fait que l'esclave fait qu'une femme, une fois qu'elle est libérée, elle peut dire je ne veux plus rester avec lui. Et d'ailleurs, elle n'a pas voulu retourner avec lui. Elle n'a pas voulu retourner avec lui. Après, elle a dit, cinquièmement, « أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. » Que cette illa, maintenant, c'est important, cette cause, soit présente dans le for, comme elle soit présente dans le asl. C'est-à-dire le maqis, la chose dont tu veux déduire un jugement, cette illa doit être présente dans ce for et dans le asl. Sinon, tu ne peux pas. Mathalène, l'exemple qu'il donne, le fait de frapper les parents. Est-ce qu'on a un dalil qui dit de pas frapper les parents? Wadih, salih. Est-ce qu'on en a? On n'en a pas. On a quoi? Wala takul lahuma uffin wala tanharuma. Ne leur dis pas ouf. C'est quoi la ilah de dire ouf à tes parents? C'est elisa. Tu leur portes atteinte. Tu les offenses. Donc là, le fait de les frapper, il y a une offense, c'est pas une offense. Mais oh voilà, c'est pire encore. C'est-à-dire que là, on t'interdit le minimum. Donc que dire de faire le pire encore? Donc là, le qiyas, tu peux le faire. Quelqu'un va dire, donc la illa doit être présente. Tu ne peux pas faire un qiyas d'une chose dont la illa, dont le asl n'est pas présent dans le fara. Adala yumkin. Taïb. Thumma qal, aqsamu al qiyas. Maintenant, c'est les formes de qiyas. Yanqasimu al qiyas ila jali wa khafi. Deux formes de qiyas. Le jali, celui qui est clair, et le khafi, celui qui est plus discret. قال فالجلي الجلي c'est celui que en général les ulama ils acceptent. ما ثبت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. Et celui dont la illa elle est affirmée par un texte ou un ijma et qu'il n'y a aucune différenciation entre le asl et le fara qui empêche que cette illa soit établie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui fasse que non, ce jugement-là que tu as trouvé dans telle chose ne peut s'appliquer à tel endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un fara, il y a une différence entre les deux. Il dit mithal ma thabatat illatu bin nas, une chose dont la illa est établie par un texte. Le fait qu'il n'est pas permis de faire l'istijmar avec du dem de najas sec. Le fait de l'istijmar, c'est le fait de faire l'istinja. Quand tu fais tes grands besoins, tu t'essuies les parties qui ont été touchées par le najasa, par du sang de najasa impur qui soit sec. Une chose qui contient du sang impur, sec. Quand même, pourquoi se basant sur l'interdiction de l'istijmar avec les raoufa qui sont les crottins d'animaux. Quand dans le hadith d'Ibn Mas'ud, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a dit à Ibn Mas'ud de lui apporter trois pierres pour faire l'istijmar, Ibn Mas'ud, Il a trouvé deux pierres seulement. Et troisième chose, il a pris un crottin sec. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris le hajarain et le rama al-rawfa. Il a dit, ça c'est une chose qui est mauvaise. Et t'en as, ils ont interprété le terme rix par najas. Et là, il y a un khilaf kazalik. Il y en a qui disent, c'est pas tout ce qui est rix qui est najas. Ça, c'est encore un autre khilaf qui existe. Al-Muhim, en restant sur ce qu'on est nous là, la illa, c'est quoi qui fasse que le crottin n'a pas été utilisé? C'est qu'eux, ils voient que c'est une najas. Donc le sang sec de najasa également est une najasa, donc on ne peut pas l'utiliser pour faire l'istijmar avec. Donc là, la illa, dans les deux, elle est présente, et il n'y a pas de différenciation entre les deux. Les deux, c'est une najasa. Donc ça s'appelle quoi pour eux? Un khilaf djali. Mais t'en as, ils vont dire non, pour nous, rix, ça ne veut pas dire najasa. Donc là, il y a encore un khilaf dans le qiyas. Enfin, le qiyas, c'est une bèbe, c'est un bèbe, il est subtil quand même. Ça, c'est un exemple d'une illa qui a été affirmée par Mada, un nos, un texte. Bada hada, wa mithal ma fabatat illatuhu bil ijma'. Un exemple dont la illa était établie par un ijma'. Qala, naha al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, an yaqdiya al-qadi wa huwa ghadban. Qu'il a interdit au juge de juger alors qu'il est en colère. Donc là, il y a eu un ijma' des ulama. Man al-haqin min al-qada, ala man. Al-Ghazban minhu, min al-Qiyas al-Jali. D'interdire à celui qui, par exemple, qui a une envie pressante d'aller au hammam, d'aller aux toilettes, d'établir un jugement. Tout comme on interdit à celui qui est en colère. Pourquoi? Car la ila, c'est quoi? Tashwish al-Fikr. Il ne sera pas conscient de ce qu'il va faire. Ou celui qui a faim, ils disent également. Elle dit Wajuran Jiddan, il a très très faim. D'accord? Ou celui qui a atteint une chose qui fasse que son esprit n'est pas neutre. Il a un moment où il n'est pas concentré. Il a autre chose en tête. Donc lui, à ce moment-là, qiyasan ala hadha al-hadith, que celui qui a trop faim, qui va aller au hammam, ou qui a telle et telle chose, il n'a pas le droit de faire un jugement à ce moment-là. Thumma qala, wa mithal ma kana maqtu'an fihi bi nafi al-fariq bin al-asl wal-far', qiyas tahlim itlaf mal al-yatim bil-labs ala tahlim itlafihi bil-akl al-qat' bi nafi al-fariq baynahuma. Et la chose qui fasse qu'il n'y a pas de différenciation dans le jugement entre les deux, c'est comme le fait, par exemple, l'interdiction. Tu n'as pas le droit de prendre les vêtements, l'argent de l'orphelin pour t'habiller avec. Tout comme il t'est interdit de prendre cet argent-là pour en consommer, pour le manger. On dit que les deux, là, il n'y a pas de différence. T'habiller ou en manger, ça va. Voyez, ça va. Donc, si le qiyas, il regroupe ses chose-là, c'est-à-dire l'illa, elle est présente et qu'il n'y a pas de différenciation entre les deux jugements, entre les deux faits, ça s'appelle quoi? Un qiyas djali clair. Et celui-ci est celui qui est accepté par beaucoup de ulama. Après, t'en as, ils vont dire ça c'est djali, ils vont dire non, c'est pas djali. C'est encore un autre bab. Thumma qala, donc ça c'était le premier. Qism. Athani al-khafi. Qala ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بالنفي الفارق بين الاصل والفرع. Et celui qui a été dont la illa a été trouvée par déduction et non pas par un texte ou un ijma. La illa a été déduite, trouvée par déduction. Et également, on ne peut dire, مثلاً, on ne peut affirmer qu'il n'y a pas de différenciation entre les deux, entre le asl et le fara. Tu as des choses. Cette différenciation-là, elle est claire, elle n'est pas présente. Et des fois, elle peut être présente. Un exemple, le qiyas de Ashnan sur le bourre. Ashnan, c'est une plante dont on se servait auparavant pour laver les vêtements. Le fait de faire qiyas du Ashnan sur le bourre par rapport au riba. C'est quoi le lien qu'il y a entre les deux? C'est que les deux sont des maquils, des choses qui ne se pèsent pas mais qui se mesurent. Le kale, c'est une chose qu'on mesure. Par exemple, le sar. Le sar, c'est pas un wazn. Ça s'appelle un kale. C'est une mesure. Par exemple, quelqu'un te dit, moi, je te vends une caisse de bouteilles de Pepsi. C'est pas le poids qu'on regarde, c'est la caisse qu'on regarde. Ça, c'est un kale. Quelqu'un te dit, moi, je te vends 4 kilos de salade de farine. Ça, c'est un wazn. Donc, il dit, les deux, là, le hachnan et le bourre, il y en a, ils ont fait un qiyas sur le bourre pour dire qu'il y a du riba dedans. Pourquoi est-ce que les deux, c'est des choses qui ont un keil et non pas du wazn? Et nous ont dit, mais il y a un farik entre les deux. C'est quoi le farik entre les deux? C'est que le bourre yukal et la chenma yukal. C'est pas une nourriture. Donc il y a un farik entre les deux. On peut faire trier à ce moment-là. Il faut que les choses soient similaires. بعد هذا قال قياس الشبيه قال c'est-à-dire celui de la ressemblance وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها. C'est le fait que le فرع, le maqis, se trouve entre deux أصل, deux choses qui ont deux jugements différents. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce fort, on le fait, on lui accorde le jugement de la chose à laquelle il ressemble de deux, le plus aux deux. Là, tu as un fort, d'accord? Entre deux choses, deux osles différents. Et ces deux osles, ils ont chacun un jugement différent. Et ce fort, il a une ressemblance avec celui-là et une ressemblance avec celui-là. Eh bien toi, tu fais un qiyas de ce fort avec le os avec lequel il y a plus de rapprochement. L'exemple qu'il donne, le shir, l'exemple de l'homme libre et l'animal domestique par rapport à l'esclave auquel dedans on fait ressembler. Le qiyas du fait, est-ce qu'on fait un qiyas de l'esclave par rapport à un homme libre ou par rapport à un animal de bétail? À la base, le abd, c'est un être humain. Ça, comme l'homme libre. Donc là, c'est quoi la illa entre les deux? Les êtres humains. C'est un aqil. Et de l'autre côté, ce abd se possède, s'achète, se revend. Et on se sert de lui. Et ne possède pas ses biens. Comme quoi? Comme l'animal de bétail. Donc auquel des deux on fait ressembler le abd? À l'être humain libre ou à l'animal de bétail? Ça paraît un peu peut-être... Rousse pour certaines personnes, mais c'est un qiyas qui a été donné par des ulama. Parce que c'est vrai que l'esclave n'a pas les hukouk de l'homme libre. Dans plein de choses. Il appartient à quelqu'un. Tout comme Masalen, ce même maître, il aurait Masalen un cheval qui lui appartiendrait. Même Taad? Non. Je sais pas. Ouais, il ne cite pas le Rajih. Il donne l'exemple. Tout à l'heure, ils vont dire. On va appliquer un qiyas du abd par rapport à la chose à laquelle il ressemble le plus. Il n'a pas donné après c'est quoi le résultat. C'est un exemple qu'il donnait. Et il a dit, ce qism du qiyas, il est da'if. Très faible. Et également, il y a quoi? Qiyas l'aks, pour finir. Le qiyas par l'opposé. Qala. وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم للأصل فيه. C'est le fait que tu affirmes un jugement par son opposé, en fait. C'est quoi l'exemple qu'il a donné, qu'il donne par rapport à ça? قال النبي صلى الله عليه وسلم في بدء أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Qu'il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les rapports de chacun d'entre vous, il y a une sadaqa. Il dit comment? Ils ont dit les sahaba, est-ce que le fait que l'un d'entre nous ait des rapports avec sa femme, il a du ajr? Il a dit, voyez-vous, s'il avait, Masalan, il avait fait des rapports dans le haram, il aurait eu le péché. Ils ont dit naam, il a dit ben. Également, quand tu fais dans le halal, il a une récompense. Donc, un qiyas de quoi? La chose par rapport à son opposé. Et également, ce qiyas, il est discutable. Car en réalité, ça c'est mbeb inam al-a'ma bin niya. Car le fait d'avoir un jima' avec ta famille, ça revient à quoi? Une chose qui est permise. Elle est permise. Ou elle peut être wajiba par rapport au fait que tu rends le droit à ta femme. Donc ça vient ta niya à toi en fait. C'est comme le fait de manger. Quelqu'un va te dire de manger du halal. Manger du haram à la base, c'est interdit. Ça, est-ce qu'on va dire que toute personne qui mange du halal comme ça, sans niya, il a du ajr? Demain, tu viens, tu rentres dans le ken et tu prends un paquet de chips et tu les manges. Est-ce qu'on va dire que tu as du ajr forcément? Parce qu'il aurait dit, ouais, ben, comme il n'aurait pas mangé des chips, mathalen, s'il a mis ni un ertiseb, naam. Mais s'il mange comme ça, pour le plaisir de manger, on ne va pas dire qu'il a du ajr forcément. C'est une chose qui est permise. Ça revient à ta niya. Le fait de faire l'opposé d'une chose n'implique pas forcément sa récompense. Donc ce qiyas bil aks kadhalik. C'est pas un qiyas qui est qawi. Tu l'as compris celui-là bil aks? Tayeb. Hadha alladhi akhadna al-yawm kit al qiyas. Le qiyas des fois tu as des abwab tawila jiddan dans d'autres kutub. Là c'est une muqaddima. Après ça entend plein de choses. Plein d'abwab. Le mohim qui est à savoir sur Qiyas, qui est jali, qui est thabit, qui est clair, celui-là c'est une hujja. Tamam, c'est une hujja. Andal jumhur. Fa'akada. Fa'naktafi bi hadha al-yawm. Wa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.